Archi début. Radio Zine. Est-ce un radio? Est-ce une fanzine? Dans cette maison, on a l'impression que... Est-ce un radis? Est-ce une usine? On a joué avec... On a fait un genre de glossaire de tous les mots, toutes les façons d'utiliser la respiration. Et toutes les façons dont l'air traverse notre corps. Et voilà, ici Radio Fanzine, on est juste au milieu de la maison communale de Plainpalais, juste à côté d'un petit studio de radio qui s'est monté pour l'occasion de la RTS. Et puis c'est ça qu'on vient d'entendre à l'instant, un petit enregistrement pirate que j'ai fait en passant derrière elle. Et voilà. Avant de commencer, on va s'accorder 3 respirations. Magnifique. Comment ça va, Emma? Ça va très bien. Écoute, tout début, c'est le grand lancement de la radio. Je suis un petit peu stressée, mais je vais très bien. Et toi, Antoine? Moi, ça va très très bien. Quelle est ta météo du jour? Météo intérieure, écoute, je me sens favorable, sans dépression, on pourrait dire plutôt anticyclone, assez ensoleillé et avec la peau sèche. Et toi? Eh bien moi, je me sens intérieurement beau pour tout le week-end. Intérieurement, comme la météo de ce week-end qui est tellement favorable à la promenade que vous n'hésiterez pas à vous balader jusqu'au Festival Archipel qui nous accueille et puis dont on va parler pendant les 9 prochains jours à l'occasion d'une heure et demie d'antenne. Comme on parle de météo, on va parler de vent avec une transition qui n'en est pas véritablement une, mais Emma, qu'est-ce que c'est le vent? Mais oui, mais qu'est-ce que c'est le vent? Qu'est-ce que c'est le vent, Antoine? Écoute, j'ai regardé sur internet hier et le vent n'est autre qu'un déplacement de l'air, des particules d'air qui se déplacent suite à des changements de température. Et tout ça à cause du soleil. Donc le soleil réchauffe premièrement la Terre, et toutes les particules d'air chaude qui remontent dans l'atmosphère font un appel comme ça depuis la mer et créent des vents donc qui viennent de la mer jusque dans les terres le matin, la journée, et le soir c'est donc le contraire. Est-ce que c'est clair? C'est assez clair, et sur Wikipédia, toujours, mettre un vent est illustré par la citation suivante. Kelly, très gêné, lui a fait la bise et a, un peu poussé par notre baba, accepté un dîner avec l'ex de Kim Glow, avant de se rétracter quelques secondes plus tard et de lui mettre un nouveau vent monumental. Ça craint. Ça craint un max. Ça craint. Et toujours dans la formation des vents, donc comme ça avec ces changements de température, nous avons également la rotation de la Terre qui a un rôle très puissant dans la rotation de la Terre, les pôles qui se réchauffent moins vite, l'équateur qui se réchauffe plus vite, et donc des mouvements de courants d'air comme ça globaux sur des milliers de kilomètres qui partent du coup des pôles vers l'équateur et inversement selon le penchement de la planète. Est-ce que c'est la Terre qui tourne sous le vent ou est-ce que c'est le vent qui tourne sur la Terre? Je ne sais pas, je ne lui ai pas demandé. Et pourquoi est-ce qu'on parle de vent d'ailleurs? Et en quoi est-ce que ça a un rapport avec le festival Archipel de cette année? Mais c'est vrai, mais quelle idée! Mais enfin, on pourra demander à Marie Janson et Denis Schuller tout à l'heure, puisque ça tombe bien, ils sont là et on pourra les inviter pour venir nous parler de tout ça directement. Je vais déjà faire un teaser. Hein, donc le thème du festival de cette année, c'est le vent. Pourquoi le vent? Parce qu'il y a des instruments qu'on appelle des instruments à vent. Qui sont mis en avant. Qui sont mis en avant, voilà, le souffle également et la respiration. D'où la cohérence dès le début de cette radiosine avec notre première proposition et que nous allons faire donc tous les matins parce que la respiration, c'est quand même quelque chose de très important. Voilà. pour le gros vent. On va illustrer ça tout de suite. Donc chaque jour, nous allons avoir l'occasion de vous faire écouter des gros vents qui viennent de partout sur la planète. Et aujourd'hui, on va donc démarrer avec un gros vent très local qui se situe donc à une trentaine de kilomètres de là, le gros vent du plateau du Retors. Voilà, c'était le gros vent du plateau de Retors. Et enfin, pour les personnes vivant dans la cité et qui auraient besoin d'une traduction de ce qu'on vient d'entendre, nous avons un envoyé spécial qui s'appelle Trophée Aban, qui nous a créé, envoyé une traduction de chacun de ces gros vents. Donc voici la version électroacoustique. C'est extrêmement bien fait, maintenant on a compris. Très bien. Merci beaucoup Loïs, Trophée Aban, merci beaucoup. Alors, aujourd'hui c'est moi qui pose un petit peu les questions. Oui, d'accord. Emma, qu'est-ce qu'on fait ici? Parce que, bon, moi je sais un petit peu ce que je fais ici, mais je ne saurais pas trop bien l'expliquer. Est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs et auditrices ce que nous faisons ici pendant que Angelo s'apprête, s'approche de nous avec son micro? Avec son micro signé RTS, mon Dieu. Il y a un risque de l'arsène de collision de feedback radiophonique imminent. Anne, vas-y, dis-nous, tu as une question. Hein? Avec un petit email, parce que vous êtes sur Internet. Oui. Super, merci. Bon vent, Angelo. J'ai quand même réussi à vite ouvrir un micro pour qu'on puisse l'entendre aussi depuis là où elle était. Bah oui, qu'est-ce qu'on fait là? En fait, là, on est donc en plein milieu du festival Archipel, juste à côté de la table de fanzine. Et donc cette année, la radio se mélange aux fanzines, d'où la question récurrente, est-ce une radio, est-ce un fanzine, est-ce un radis, est-ce une usine? On ne sait pas trop, on aura peut-être la réponse au fur et à mesure de ces journées. Et donc chaque jour, on sera en direct là de 11h à midi et demi. Ensuite, on basculera sur les traditionnels partages d'écoute qui auront lieu dans l'acousmonium de la Meg, là-haut, à partir de 12h30. Et d'ici là, qu'est-ce qu'on va faire pendant ces 1h30? On va démarrer chaque jour, donc un peu comme aujourd'hui, avec des présentations de gros vents, des récaps de la veille, avec des définitions pour si vous avez envie d'apprendre des trucs, plus ou moins. Et tout un tas de capsules de nos envoyés spéciales et envoyés spéciaux qui ont parcouru le festival avec des milliers d'idées et qui nous ont comme ça digéré tout ça et envoyé des petites pépites qu'on vous fera découvrir au fur et à mesure. Chaque jour également, à 11h30, une interview en direct, sauf cas particuliers, ce qui arrive toujours, donc il y aura également des cas particuliers. Aujourd'hui, l'interview du jour, ce sera donc avec Marie Janson et Denis Schuller, les programmateurices du festival. Et ensuite, on va interviewer directement Anne Gillou, qui est venue elle-même nous interviewer, parce qu'on aime bien les serpents qui se mordent la queue. Et chaque jour également, à midi et quart, une méditation live un peu énervée de Ravi Fair X. Est-ce que c'est comme ça qu'on dit ton nom ? Super, et voilà. Et puis, ben, ma foi, on embrayera avec les partages d'écoute. Et aujourd'hui, le partage d'écoute, c'est Céline et Ni. Mais on vous rappellera ça un peu plus tard parce que ça fait déjà pas mal d'infos. Voilà, Antoine, voilà. Est-ce que tu as des questions ? Est-ce que ça a répondu à tes questions ? Ça répond à beaucoup de questions et ça en suscite plein d'autres, mais elles seront distillées tout au long de ces 9 journées de radio ensemble. Et comme on a fusionné avec le fanzine, on a déjà reçu un petit témoignage de cette proximité sous forme de 3 cartes qui sont assez difficiles à décrire, donc je voulais faire entendre la première carte, la seconde et la troisième. Et ça nous permet d'introduire une rubrique qui s'appelle le son fanzine. Voilà, donc le son fanzine, l'idée c'est d'avoir chaque jour un extrait de ce qui se passe à côté, juste sur la table à côté, parce qu'on n'est pas du tout sur les mêmes horaires. Hein. Nous on vient là très tôt le matin, frais comme des gardons, et puis le fanzine arrive juste après le café de midi. On n'a pas les mêmes chronotypes avec Mara Christina et Guillaume Fuchs. C'est ça. Il n'empêche que la magie d'Internet, et donc Internet qui est notre plus grande collaboratrice en ce moment, nous a permis de recevoir cet élément audio via WhatsApp que je n'ai pas non plus encore écouté. Nous allons découvrir ça tous ensemble. On se réjouit. Oui, mais ce jour-là ne s'est pas arrivé. Mais ce jour-là ne s'est pas arrivé. Ce jour-là ne s'est pas arrivé. Merci beaucoup. Merci Mara, merci Guillaume. Donc ce qui venait comme information textuelle avec l'envoi de ce fichier sonore, c'était « On a un morceau de notre nouveau groupe avec Fuchs, Third Mom est le nom ». Voilà, donc c'est ça. On pourrait prendre ça comme un jingle du fanzine, parce que c'est... Hein. En tout cas, c'est une entrée en matière assez, assez fantastique. Et puis, merci comme on parle trop d'ultra-proximité, puis du coup, il faudrait que je me rapproche du micro. Comme on parle d'ultra-proximité, on va passer à la capsule que Yvonne, la scénographe et décoratrice qui nous a habillés tout de rouge sur notre joli petit plateau, nous propose. Et ça s'appelle « Bonjour, objet ». Salut, festival. Tout à fait.